Fnac. Ouais, bien quoi. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait une heure que je t'attends. Ouais, chier, on devait venir en voiture là, mais tu viens de galérer. Tu prends le métro, je crois. Putain, moi j'arrive. Je pose mes grosses fesses dans le chrome, anxieux et en sueur à la bourre, grâce à la tour 20 et ses ascenseurs. Je pars de Bobigny, je fais la lie jusqu'à Place d'Italie. Je me tape toute la ligne 5 dans le chrome, plein de clones de Michael Gull. Les gens font des sales gueules et à force, je fais la même gueule qu'eux. Trop de relou, trop de prolo, compte vie pas très drôle. Oh merde, y'a trop de Robocop à Hoche. Une meuf marche, on met Jimbo, je laisse passer. Vu qu'elle a un fessier de bimbo, elle a le truc qui fout la trique dans les futes. Le hic, c'est que je les crame en train de se gratter. T'es le huc, porte de pantin, j'ai envie de pisser. Oui mais ouf, à Ourc, il se passe rien en plus. Amuse-toi à faire rire mais Ourc. Pour que le temps passe, feuillette. Mon magazine, c'est une fillette. Me jette des regards suspects. Qu'est-ce qu'il y a, tu te connes? Tu joues avec nos Pokémon. Qu'à l'époque quand même, on se fait emmerder par n'importe quel monde, putain. Je parle comme un vieux con, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais sur Paris et tu trouves ça drôle. Mais j'ai le syndrome du trombe. Le syndrome du trombe. Eh, hey, tu trouves ça drôle. Le syndrome du trombe. En gros, tu te trompes. Le syndrome du trombe. Voilà comment les transports en commun se transforment en coma. Man, le syndrome du trône. Hey, tu trouves ça drôle? Le syndrome du trône. Regardez leur gueule. Le syndrome du trône. Voilà comment les transports en commun se transforment en coma. Je suis de depuis un bout de temps, plus je suis à bout. Entre nous, je crois que j'ai une envie grave de me gratter la couille droite. C'est crade. Quoi, comment je fais ça discrètement? Ou je risquerais de manquer de respect aux mamans? Dans mon dos, un type schlingue. Fouette, ça se dit pas soit. Mais je te souhaite pas de renifler son sweat. Soyons réalistes. J'ai pas le permis et j'ouvre ma gueule. J'ai juste le permis de fermer ma gueule. La lumière, je croise un pote et tu sais la meilleure. Ce qu'il a rien à me dire, rien à foutre que tu fasses la meilleure. Je me fous que tu kiffes le caquet des Rangers. Et je me fous que ton beau frère ait quitté ta grande. Ressemble plus vers la conne que c'est. Le genre de meuf qui donne envie de boire de l'alcool, tu sais. Ça tu le sais. Pourquoi je suis un bâtard comme ça? Je sais pas, gars, mais ça m'agace. Ça doit être le syndrome du trône. Le syndrome du trône. Eh, hey, tu trouves ça drôle? Le syndrome du trône. En gros, tu te trompes. Le syndrome du trône. Voilà comment les transports en commun se transforment en coma. Man, le syndrome du trône. Eh, hey, tu trouves ça drôle? Le syndrome du trône. Regardez leur gueule. Le syndrome du trône. Voilà comment les transports en commun se transforment. Un petit corps d'un cuir, une pure balle. Il a un sac d'urban dans les mains. Genre d'homme qu'a les dernières Jordan. Doit sortir de la Sorbonne. Posé sans embrouille, il doit taffer la saison et mettre tous les sous dans son zone blue. Le gars d'en face doit carburer au père là-bas. Sa famille doit la tromper ou pire la battre. Honnête, non, les trois quarts ont fraudé sans doute. Dans le métro, les gens qui se font contrôler s'en foutent. Au fait, on est pauvre et ça, ça compte. J'ai pas mis 8 francs dans le ticket, donc je vais pas t'en donner 150. T'étais, me faut une caisse, même une serre. Une place libère, je pousse une vieille, je sais, ça se fait à merde. Même de ça, qu'est-ce que tu fous? Je crois que t'es un taré au fond. Dans le métro, y'a des vrais ou feux, vrais ou faux. Un gars dégueulasse rentre plein de sueur, il a une tête merde. Sa mère et son père doivent être frères et sœurs. Il finira sa journée dans mon couplet enfoiré. C'est pas méchant, mais c'est juste mon syndrome du trône. Le syndrome du trône. Eh, hey, tu trouves ça drôle? Le syndrome du trône. Ben, en gros, tu te trompes. Le syndrome du trône. Voilà comment les transports en commun se transforment en coma. Man, le syndrome du trône. Eh, hey, tu trouves ça drôle? Le syndrome du trône. Regardez leur gueule. Le syndrome du trône. Voilà comment les transports en commun se transforment en coma. Eh, à soir, ça coûte rien, connasse. Edouard, mon frère, t'as pas une petite pièce? Ouais, comment ça, tu veux une pièce? T'as pas dansé? T'as pas chanté? Tu veux une pièce? Ça se mérite une pièce, ouais. Connard, ouais. Le syndrome du trône. Eh, hey, tu trouves ça drôle? Le syndrome du trône. Bah, en gros, tu te trompes. Le syndrome du trône. Voilà.